Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré. Ce documentaire est une véritable anthologie qui retrace les 10 derniers jours de pouvoir du président Compaoré par les acteurs et les actrices de cette conjoncture historique sans précédent au Burkina Faso qui a mené à la capitulation du régime de Blaise Compaoré face aux exigences du peuple burkinabé en octobre 2014. Le co-réalisateur de ce documentaire édifiant, Gideon Vinck, est parmi nous aujourd'hui à Amandla. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir, absolument. Expliquez-nous d'abord le contexte sociopolitique au Burkina Faso lors du mois d'octobre 2014. Oui, bon, comme vous dites, c'était une situation inédite dans le sens que en octobre, pour la première fois depuis 27 ans que le président Compaoré était au pouvoir, 27 ans, c'est pas 27 jours, c'est une très longue période, on disait presque trois décennies, que le peuple a décidé de prendre son destin en main. Donc c'était un moment historique, un moment de bravoure, un moment de courage, où le peuple a dit, on ne veut pas que ce président renouvelle, il va rébelter encore, faire deux autres mandats, parce qu'il y avait un projet de modification de la Constitution en cours, où le président, qui avait fait déjà deux fois deux mandats, voulait changer la Constitution pour rester encore au pouvoir, pour garder encore ce pouvoir qu'il partageait lui avec sa famille, avec ses amis. Et à cet moment, le peuple a dit, c'est assez. C'était en fait le goutte d'eau qui a fait déborder la vase de 27 ans de règne autocratique. Moi, j'aime pas trop le mot dictature parce qu'il a été quand même élu, réélu, mais d'un pouvoir à vie, on pourra dire. Et puis le Burkinabé, surtout les jeunes, ont dit, on veut du changement, on veut connaître d'autres présidents, nous aussi. Beaucoup de jeunes qui n'ont jamais connu un autre président que Compaoré sont sortis dans la rue. Et puis, ce que personne en fait a vu venir, c'était qu'en moins de deux semaines, en fait, on a pu chasser en fait ce président. Ça allait très vite. C'était un moment très puissant, très très fort. Et donc voilà, c'est un peu le contexte dans lequel ce film a été tourné. À ce jour, quelle est la situation sociale et politique? Actuellement, bon, on a toujours dit qu'on ne peut pas sortir de 27 ans de règne unique en faisant une révolution et s'attendre que tout se résout comme par une baguette magique. On a vu ce qui nous a aidé au Burkina Faso, qu'on a vu les exemples de la révolution du printemps arabe. On a vu en Tunisie, en Égypte, en Libye, qu'il ne suffit pas de changer, que c'est un système qui est en place depuis 27 ans dans notre cas, et qu'il va falloir du temps pour faire un changement en profondeur. Donc on est sorti du soulèvement avec beaucoup d'espoir, avec un espoir de changement réel, de changement profond. Je pense que ce changement se laisse encore attendre. Le Burkina a pu faire quand même une élection présidentielle plus ou moins libre. Ça, c'est déjà un premier pas positif. Maintenant, c'est au nouveau président élu de montrer qu'il a compris le message de cette insurrection, que la révolution que les Burkinabés ont voulu, qu'il se fasse aussi dans les actes, dans la politique, dans sa façon de gouverner de ce pays, en donnant des chances aux jeunes, en donnant des chances aussi aux pauvres, parce que le Burkina, c'est un pays pauvre, c'est un pays jeune. Ces gens-là, ils ont des énormes attentes. Ces attentes n'ont pas encore tout de suite réglé ou on n'a pas encore trouvé des solutions miracles. C'est un travail qui va se faire dans le temps. Maintenant, comme je disais, en regardant les autres révolutions, on a compris qu'il faut du temps, il faut de la patience. Il y a un changement de président, le changement de système. Bon, on espère que ça viendra par la suite. Ouais. Vous dites plus ou moins libre les élections. Vous pouvez expliquer davantage? Oui, plus ou moins libre. C'est peut-être un peu aussi en ironisant parce que bon, l'ironie du sort, c'est qu'on a élu en réalité l'équipe ou le parti avec des gens qui ont encheminé pendant très longtemps avec Blaise Compaoré. Donc les gens qu'on a élus, c'est des gens qui ont fait plus de 20 ans avec lui. Donc disons qu'on a changé, mais on a changé dans la continuité, en élisant les gens qui connaissent très bien le système de Blaise parce qu'ils ont fait partie de ce système pendant plus de 20 ans. Le président qui est au pouvoir, c'est l'ex-président de l'Assemblée nationale, c'est l'ex-premier ministre de Blaise Compaoré. Donc, j'ai dit, bon, on a pu librement élire un nouveau président. Ce n'est pas forcément qu'on a élu un nouveau système, un autre changement, une autre vision sur la politique au Burkina Faso. Ouais. Des leaders comme ceux du Ballet citoyen qui ont joué un rôle décisif, devraient-ils investir une formation politique progressiste burkinabé et participer directement à la gouverne du pays? Il y a eu beaucoup de débats au sein de la société civile en disant que bon, on s'est engagé politiquement, ça il faut le dire. La demande était politique, le départ de Blaise Compaoré. Maintenant, ceux qui ont demandé ce départ, ce n'est pas les hommes politiques en quelque sorte. Il y avait une opposition, mais qui n'a jamais réussi à faire bouger les lignes. C'est les jeunes, comme le Ballet citoyen, qui est le mouvement de jeunesse principal. Il y a eu d'autres structures, la défense des droits humains, d'autres structures de jeunesse. C'est un débat qui, jusqu'à présent, fait rage, en fait. C'est vrai qu'il y avait une unité d'action du fait que le point focal de cette lutte était très simple, c'était le départ, le changement de régime. Maintenant, comme ça a été fait, en fait, il n'y a plus un point commun entre ces différents leaders, en fait. Il y a un changement, maintenant tout le monde a sa vision de la suite et du changement. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour approfondir cette révolution, pour qu'il y ait une vraie révolution dans le sens du terme? Et là, bien sûr, entre le ballet et d'autres structures, il y a débat, il y a divergence, et puis donc ça va être pas évident. Le ballet aussi a toujours dit ils sont pas là pour faire de la politique, ils sont là pour veiller afin que la politique profite aussi aux jeunes et aux populations de base. Donc je ne pense pas qu'ils vont se lancer, mais ils vont jouer ce rôle de veille citoyenne qu'il faut. Il faut des gens qui continuent, ce n'est pas pour s'opposer, mais pour contrôler l'action gouvernementale. C'est vrai, il y a une élection, les opposants d'hier aussi font partie aussi maintenant du nouveau pouvoir. Le parti de Blaise est devenu le parti d'opposition, donc c'est très difficile de s'attendre que la politique elle-même se corrige, qu'elle-même va tirer des leçons des erreurs passées. Donc je pense qu'il y a un rôle pour cette société civile, le ballet citoyen et autres, de continuer à contrôler, de continuer à critiquer positivement aussi, à amener des idées, à amener des critiques de formalisme pour que ça aille mieux. Est-ce que vous croyez qu'à l'heure actuelle, il y a des forces politiques qui ont intérêt à ce que le régime de Blaise revienne en place? Oui, bien évidemment. Je pense que Blaise avait un parti politique qui existe toujours. Il y a des partis de la mouvance présidentielle au Burkina qui régnait avec son parti. Ces partis n'ont pas été interdits. Ces partis politiques fonctionnent normalement. Et Blaise, dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire, continue, on suppose, à tirer un peu les ficelles de son parti là. Ce n'est pas un parti qui a répudié son ancien mentor. Donc, il y a toujours un mouvement politique. Et je pense que ça fait partie aussi du jeu démocratique qui a la place pour ces gens-là. On a chassé un président, ce n'était pas pour faire une chasse aux sorcières, à tous ces gens qui étaient autour de lui, qui font partie d'un parti politique qui avait une base électorale. Il y a toujours, on a fait l'élection, ils ont participé au niveau des élections législatives, ça représente toujours 20 à 30% de l'électorat burkinabé, qui continue quand même, peut-être par nostalgie, à penser que sous Blaise, c'était mieux, il y avait une stabilité, il y avait une certaine prospérité relative, mais il y a de nostalgiques, ça c'est évident. Donc je ne pense pas que ça peut faire revenir comparé au niveau au pouvoir. Ce qui est arrivé, même ces fidèles et fidèles ont compris le message. Mais bien sûr, il y a une volonté quand même de continuer à profiter de ce qu'il a construit pendant 27 ans. On parle politique, mais on parle aussi d'économie, on parle aussi la diplomatie, on parle de certains privilèges, parce que, comme je disais, c'était pas une personne, c'était un système. C'était une famille autour, il y avait un clan de gens qui ont fait de très bonnes affaires avec Blaise au pouvoir. Ces gens, économiquement, ils ont toujours leurs usines, leur trafic, leur société. Ils continuent à avoir, ils ont toujours la main sur l'économie. Donc la nostalgie, oui, peut-être pas la volonté pour faire marche arrière. Ce qui est arrivé, arrivé. En matière des droits humains, est-ce que nous sommes en train de tourner la page de l'impunité à l'heure actuelle au Burkina Faso? C'est la question clé. Je pense que c'est la preuve par laquelle le nouveau pouvoir peut montrer qu'eux aussi, ils peuvent changer des choses. Si on a parlé changement dans la tête de beaucoup de Burkinabés, c'était pour faire tourner la page de l'impunité. Il y a eu des affaires sous l'époque de Blaise, des affaires, on dit, énigmatiques. Il y a l'affaire Sankara, l'ancien président qui a été assassiné. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu une justice qui a tranché sur cette affaire-là. Il y a l'affaire du journaliste Norbert Zongo, qui est un journaliste d'investigation qui avait investigué dans le cercle présidentiel. Les Burkinabés attendent ce procès-là, ils attendent la justice. Je pense que c'est peut-être même c'est le fondement de cette insurrection, qu'il y avait trop de dossiers en cours, il y avait trop d'injustice, il y avait trop d'impunité. Entre-temps, il y avait une phrase que les gens disaient, les gens du pouvoir, c'était si tu fais, on te fait, et puis il n'y a rien. Ça veut dire que dans tous les cas, on fait ce qu'on veut et on ne va jamais nous inculper ou nous juger pour quoi que ce soit. Ces affaires méritent d'être jugées. Je pense que si on veut vraiment aller à faire tourner la page, il faut que la justice fasse son travail. Si on veut que le Burkina aussi se réconcilie avec son passé, il faut qu'il y ait cette étape de vérité et de justice, comme on a vu aussi dans d'autres pays où il y a un changement de régime. Bon, on cite l'Afrique du Sud, mais il y a d'autres pays plus proches aussi du Burkina qui sont passés par cette étape pour dire que voilà, il y a une partie de notre histoire qui se ferme. Il faut qu'on dise aussi des choses, aussi douloureuses soient-elles, sur ces 30 ans ou ces 27 ans dans notre cas, pour pouvoir regarder dans le futur et pour l'unité nationale. Parce que c'est vrai que ces questions de justice continuent à diviser profondément les Burkinabés. Et le documentaire, est-ce qu'il est présenté en Afrique, ailleurs, comme par exemple, je pense à Bujumbura, Brazzaville, Banjul, Kampala, Kigali, Kinshasa, Lomé, N'Djamena, Malabo, à tous ces endroits où il y a eu des élections présidentielles? Tout à fait. C'est le film qu'on a fait sur la révolution burkinabé, il faut le dire que ce n'est pas un film qu'on a fait pour un public occidentaux, intellectuel, cinématographique. C'est un film qu'on a voulu faire pour avoir un impact local. C'est un film qu'on a d'abord fait pour les Burkinabés, pour montrer aux jeunes Burkinabés, voici votre histoire. C'est un peu comme un miroir qu'on tend aux jeunes. Beaucoup de gens qui étaient dans la rue, mais qui n'ont pas vu tout ce qui s'est passé. Parce que lors de la révolution aussi, la télévision d'État, la télévision publique a été saccagée et a fermé ses antennes. Ces images-là, ils rappellent ce qui s'est passé, mais ils rappellent aux jeunes Burkinabés aussi qu'un travail qui a commencé et qu'il fallait finir. Donc ce film, on l'a sorti assez rapidement après l'insurrection pour aller de village en village au Burkina Faso. Et puis on en a fait plus d'une centaine, 120, 125 villages sur la place publique, sur le marché, sous les étoiles, en plein air. On a amené des écrans pour projeter ce film, pour dire voici votre histoire. Vous avez fait cette introduction, cette révolution. Maintenant, il faut que vous finissiez en allant voter. La révolution va se faire par les unes. Si vous chassez un président, il faut refuser de faire après ce pas d'aller voter. Vous avez fait un travail à moitié. En fait, chasser un président, bon, dans le contexte démocratique, politique, ça n'existe pas. C'est l'acte de vote qui constitue l'acte de changement. Donc on a dit, allez voter, allez, c'est là que le vrai travail commence. Et puis impliquez-vous à partir de ce moment dans la politique. Tous ceux qui étaient dans la rue, c'était des jeunes qui n'avaient jamais voté sous Blaise, parce que dans tout cas, les gens disaient, le vote, ça change très peu. Si vous votez, si vous vous impliquez dans un parti politique, peu importe quelle politique, vous pouvez faire changer les choses. Faites attendre votre voix. Donc ce film a été fait avec cet objectif principal, d'aller de ville en ville au Burkina Faso et de montrer, d'inciter les jeunes à s'engager politiquement. À dire aussi, c'est pour ça qu'actuellement on est en train de faire aussi la deuxième partie du film. C'est un peu acte 1 et acte 2. Maintenant, c'est la révolution par les unes. On a pu filmer aussi tout ce processus de changement démocratique maintenant. On peut dire démocratique parce que les gens ont voté et puis il y a un nouveau régime qui est en place. Avec tous les défauts, on en a parlé tout à l'heure, mais au moins le Burkinabé ont voté pour la première fois librement un nouveau président civil. Et donc le film, première utilisation, c'était au Burkina Faso. Maintenant, on a très vite senti que la révolution burkinabé a été très suivie effectivement par la jeunesse africaine. On est dans une période où, dans beaucoup de pays en Afrique, on vote de nouveaux présidents, ou on vote, et puis il y a les anciens pouvoirs qui veulent se faire réélire. C'était, comme en anglais on dit, un test case. C'était en quelque sorte un cas d'essai. Est-ce que le Burkinabé en fait, est-ce qu'on peut le reproduire dans d'autres pays en Afrique? C'était un peu la question que beaucoup de jeunes se posaient. On a vu au Congo RDC par exemple, qu'il y a des mouvements similaires au Ballet Citoyen qui se sont créés, qui se sont concertés d'ailleurs aussi avec ceux du Burkina Faso, pour voir comment ils peuvent apprendre aussi de ce travail qui a été fait au Burkina. On a vite senti aussi qu'on ne peut pas copier-coller une situation d'un pays à un autre. Bon, le film a quand même aidé à montrer à des jeunes d'autres pays que bon, la lutte peut payer. Elle ne paye pas toujours à l'immédiat. Les Burkinabés ont dû attendre 27 ans pour avoir du changement. Ce n'est pas dans la précipitation aussi qu'il y aura du changement. Il faut s'organiser, il faut fédérer les forces, il faut créer en fait une conscience politique chez les jeunes. C'est un travail à longue haleine. Donc le film, il aide quelque part effectivement à montrer qu'il y a cet exemple qui est là, un exemple positif aussi, une image positive d'une jeunesse qui s'assume, qui revendique ses droits. Dans une Afrique où trop souvent on parle de la politique, on parle de dictature, on parle de longévité au pouvoir, voici un film qui montre un exemple positif d'une jeunesse qui s'assume. La jeunesse africaine qui ne veut plus vivre dans ce schéma qu'on a vu pendant trop longtemps, de ce président dictateur au pouvoir pendant 30 ans. Cette page est révolue. Oui. Vous êtes aussi directeur artistique du Festival de films sur les droits humains, Ciné Droits Libres. Vous pouvez nous parler de ce festival? Ciné Droits Libres, c'est le cinéma pour les droits humains et la liberté d'expression. Ciné Droits Libres. C'est un festival qu'on a créé il y a 12 ans de cela, en 2002. Et c'est un festival de films, disons, de films engagés, de films militants. Un peu comme nous-mêmes, on aime le faire. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, c'est une longue expérience. On n'a pas commencé par ce film sur la Révolution. On a fait d'autres films qui aussi politiquement étaient incorrects, qui politiquement n'étaient pas forcément la bienvenue dans les circuits traditionnels des festivals en Afrique, où souvent, sans les critiquer, mais c'est des festivals qui sont souvent contrôlés un peu par les États, où il y a quand même une sorte de douce censure. Ce n'est pas des choses très agressives, mais ça fait qu'il y a une sorte de cinéma qui a du mal à se faire voir. Il y a une sorte de cinéma qui a du mal à être diffusé, à être distribué, notamment ce film qui dérange, qui pose des questions sur le système politique en cours. Au Burkina comme ailleurs aussi, hein. Nous-mêmes par exemple, on a fait à l'époque un film sur Norbert Zongo, ce journaliste assassiné. C'est un film qui a fait 50 pays en Afrique, 50, mais qui n'a jamais pu être diffusé au Burkina Faso. À l'époque, on voulait louer des salles. Les exploitants des salles disant, ah, si c'est ce film-là, on ne peut pas vous céder la salle, sinon on va se créer des problèmes. On voulait l'inscrire dans le festival. Le festival m'a dit, bon, vous savez que c'est délicat. On l'a offert gratuitement à la télévision. La télévision n'a pas voulu le diffuser. Donc on a dit, il faut peut-être qu'on se crée nous-mêmes des canaux de diffusion. Il ne faut pas qu'on se laisse aussi faire. Il ne faut pas qu'on prenne la censure comme une finalité. La censure doit nous pousser nous-mêmes à sortir de cette censure, à créer nous-mêmes des canaux, être nous-mêmes acteurs aussi de la circulation de ce message qu'on veut montrer, qu'on veut faire écouter aux jeunes. Donc on a commencé par créer notre propre festival. Donc la censure, en quelque sorte, est bien. Elle pousse à devenir créatif, et puis nous c'est pousser à un festival de films qui se déroule au Burkina Faso, mais aussi dans 3 autres pays, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc c'est un festival populaire qui se déroule dans les quartiers au Burkina Faso, dans beaucoup de villes. On va de ville en ville, c'est gratuit, c'est non commercial, et c'est pour discuter, c'est pour échanger avec les jeunes. Donc il y a un lot de films souvent avec une connotation politique, avec une connotation sur les droits humains, qu'on projette. Et puis après, c'est le public qui débat. Souvent, l'apathie débat, c'est plus important que le film, parce que la jeunesse veut s'exprimer. La jeunesse n'a pas eu l'habitude d'avoir la parole. Nous, on donne la parole aux jeunes. On donne la parole aussi à tous ceux qui étaient censurés quelque part. Donc, Ciné de la Libre, c'est ce concept-là. Ouais. Et l'association SEMFilm, c'est l'association qui produit vos films à Ciné-Droit Libre? Oui, bon, SEMFilm, c'est la structure qui est derrière. C'est une association. Nous, on ne travaille pas, ce n'est pas une maison de production, ce n'est pas une société. On est des défenseurs des droits humains. Donc, c'est un travail non commercial qui se fait par des gens engagés, des cinéastes, des communicateurs, des défenseurs des droits humains. Et on ne se sert que de l'image, du cinéma. On a vu dans un pays comme le Burkina Faso, où il y a un taux très élevé encore d'analphabétisme, qu'il faut se servir des outils qui communiquent directement avec les gens. Ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas les médias imprimés. Un journal, c'est bien, mais il y a très peu de gens qui lisent. Donc le cinéma, on a vu que c'est un outil efficace, c'est un outil puissant pour un changement de comportement. Il y a l'art, il y a le message, il y a l'engagement, il y a l'émotion aussi. Ce qu'on peut montrer à travers un film, ça suscite forcément des émotions, des réactions. Donc c'est un film avec son festival, Ciné de la Libre, avec ses films qu'elle produit, avec ses tournées, débats qu'elle organise, utilise le cinéma pour promouvoir les droits humains. C'est aussi simple en fait. C'était une entrevue avec Gideon Vinck, le co-réalisateur du documentaire « Une révolution africaine, les 10 jours qui ont fait chuter Blaise Compaoré », à l'affiche dans le cadre de la 32e édition de Vue d'Afrique. Le documentaire est présenté ce samedi 23 avril à 10h, ainsi que dimanche le 24 avril à 15h15. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue pour Amandla et on vous souhaite une longue vie. Merci à vous, merci, bon vent à la radio et soyez au rendez-vous, venez à la projection du film pour échanger, pour discuter. Merci.